puisque les dauphins sont des rois. Que seul le silence s'impose. Ce n'est plus qu'un système, et sa police américaine.